Les autorités militaires sud-coréennes ont perpétré de nouveau le 5 courant vers 4h30, une intrusion dans les eaux territoriales de l'autre côté, dans la mer de l'ouest de Corée. Ils ont poussé 19 bateaux de pêche de l'île de Yeonpyeong au-delà de la ligne de démarcation maritime de l'autre côté, ce qui a aggravé la tension du point chaud de la région. Les presses sud-coréennes annoncent qu'a créé une situation critique où les bateaux sud-coréens risquent d'être capturés ou frappés des coups de canon côtier de notre armée par suite de l'intrusion dans les eaux territoriales du Nord par les bateaux sud-coréens sous l'autorisation de l'armée sud-coréenne. L'incident en question est une prolongation de la provocation de canonnade du 27 mai dernier par la marine sud-coréenne contre le ferryboat de la marine de l'armée populaire de Corée. Les fantoches sud-coréens cherchent ainsi à y produire un incident sensationnel dans le but de provoquer une réaction juste de notre armée avant de l'accuser d'une menace et d'une provocation. Ce qui est différent, c'est que la canonnade dernière a été perpétrée par les autorités militaires elles-mêmes, mais cette fois, de peur de notre châtiment impitoyable, elles ont fait des pêcheurs innocents, victimes de la confrontation fratricide. La visée de l'affaire est d'une part d'aggraver la situation de la région et de refroidir le climat de dialogue des rapports nord-sud, et de l'autre, de maintenir obstinément la ligne de limite nord tout à fait illégale. En vue de prétexter leurs crimes, les fantoches sud-coréens diffusent des bruits selon lesquels les bateaux de pêche de l'île de Yeonpyeong ont violé les eaux territoriales du nord pour capturer deux bateaux chinois en pêche illégale. La capture de bateaux de pêche par un autre, c'est une farce infantile qui ne peut être inventée que par les fantoches sud-coréens. Les bellicistes sud-coréens finiront par payer cher leurs crimes.